إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de la muhadara du Cheikh Saleh Al-Fawzan. الدعوة التوحيد وسهام المغرضين. La da'wa du tawhid et les flèches des ennemis. Et le cheikh, il continue donc dans la même lignée de ce qu'on était en train d'expliquer et de donner les exemples. Cheikh, il dit: Al-mushrikoun al-lazina ya'budouna l'asnam, ma kanu ya'taqidouna annaha takhluku ou tarzuk, ou tuhi ou tumit, li'annahum ya'lamouna annaha la taqdiru ala thalik, wa anna hadha la yaqdiru alayhi illa Allah. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم يعترفون بتوحيد الربوبية وأنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وأن أصنامهم لا تقدر على شيء من ذلك إذن لماذا عبدتموها لماذا عبدتموها قالوا شفعاؤنا عند الله ما عبدناهم أنهم لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون ولكن شفعاء عند الله وسائط وسطاء يقولون وسطاء. Donc le cheikh explique que les mushrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient les idoles, ils adoraient les statues, ils adoraient les pierres, ils adoraient les arbres et toutes sortes d'autres choses. Et ils ne croyaient pas que ces choses-là avaient la capacité ou le pouvoir de créer quoi que ce soit. C'est-à-dire les idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, quand ils les adoraient, ils ne disaient pas que ces idoles avaient le pouvoir de créer. Ils savaient très bien que ce sont des objets, des choses inertes, qui n'ont aucun pouvoir de faire quoi que ce soit, ni de créer, ni de donner le risque, ni de faire vivre, ni de faire mourir, et ainsi de suite. Ils savaient que ce sont des choses qu'ils avaient créées eux-mêmes avec leurs propres mains et qu'elles n'ont aucune capacité de faire quoi que ce soit de ces choses-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran plusieurs choses qui témoignent de ça, c'est-à-dire qui témoignent de la réalité des mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait qu'ils reconnaissaient que seul Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite d'être adoré, que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui a tout créé, qu'il est le seul à donner la subsistance, qu'il est le seul à contrôler tout dans l'univers. Donc, qu'il reconnaissait Ar-Rububiyya. Et parmi les versets qu'il mentionne, le cheikh, à ce sujet-là, il y a le suivant qui dit: et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient Allah. C'est-à-dire, si tu demandes au mushrikoun de Mecca qui a créé les cieux et la terre, eh bien, malgré qu'ils adorent toutes les idoles, hein, et malgré qu'ils ils adorent les arbres et les pierres et toutes sortes d'autres choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire qu'ils savent très bien que ce qu'ils adorent n'a pas le pouvoir de créer, n'a pas le pouvoir de donner le risque, n'a pas le pouvoir de faire vivre, n'a pas le pouvoir de faire mourir, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé et qui a ces pouvoirs-là. Un autre exemple, c'est un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dis, ô Muhammad, à ces gens, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir la vie de ce qui est mort et qui fait sortir la mort de ce qui est vivant? Et qui contrôle toute l'affaire? » Et ils diront « Certes, Allah ». Donc, les mushrikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savent et ils reconnaissent que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître de l'univers, que c'est lui qui a tout créé, que c'est lui qui donne le risque, que c'est lui qui contrôle tout. Donc le fait de dire ça ou de faire ça, de reconnaître qu'Allah existe, qu'il est unique, qu'il a tout créé, qu'il a le pouvoir sur toute chose, c'est pas suffisant pour être considéré comme un croyant en Allah, et c'est pas suffisant pour être considéré comme étant un muwahhid, pour être considéré comme étant quelqu'un qui a unifié Allah, ou qui est, hein, si on veut, un monothéiste. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui attribuent le terme ou le qualificatif de monothéiste à toutes sortes de personnes, à différents groupes, même à différentes religions, alors que dans ces religions-là, on retrouve plusieurs et différentes formes de shirk. Hein? Comme par exemple chez les chrétiens, chez les juifs, et la plupart des religions sur la terre, ils ont tous des différentes formes de shirk, hein, dans leur religion et dans leurs croyances et dans leurs dogmes. Donc, comme le cheikh il dit, ils reconnaissent le tawhid qu'on appelle, la catégorie de tawhid qu'on appelle tawhid al-rububiyya. Parce que le tawhid se divise en trois catégories, comme les ulama l'ont expliqué en se basant sur le Coran et la Sunna. Ils ont extrait du Coran et de la Sunna que le tawhid se divise en trois catégories. Tawhid al-rububiyya, le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Wa tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et tawhid al-asma al-sifat, l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Et donc, comme on l'a expliqué, tawhid al-rububiyya, c'est de croire que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le pouvoir de créer, qui est maître de toutes choses, et qu'il n'y a personne qui partage quoi que ce soit, hein, avec lui dans l'univers, par rapport à ces choses-là. C'est seulement lui qui a le pouvoir de ces choses-là, et qui contrôle tout, et qui crée tout, et qui fait vivre, et qui fait mourir, et qui donne la subsistance, et ainsi de suite. Il ne partage ça avec personne. Ça, c'est une des conditions pour dire que tu es un croyant et un muwahhid. Mais ce n'est pas suffisant. Le cheikh, il dit, donc les mushrikoun reconnaissaient ça. Ils savent que toutes ces choses-là, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire et que les idoles n'ont aucun pouvoir sur ces choses-là. Alors, dans ce cas-là, le cheikh, il pose la question, comme s'il posait la question aux mushrikoun eux-mêmes. Alors, dans ce cas, pourquoi est-ce que vous les adoriez? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous les adorez? Puisque vous êtes d'accord pour dire qu'elles n'ont rien créé et qu'elles n'ont aucun pouvoir dans ces choses-là. Hein? Pourquoi vous les avez adorées? Et la réponse à cette question-là, hein, c'est la suivante. Ils les ont adorées parce qu'ils ont dit que ce sont des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en voulant dire qu'ils pensent qu'en se rapprochant de ces idoles ou de ces créatures, de ces hommes pieux qui sont morts, eh bien ces hommes-là vont pouvoir leur servir et leur profiter et transmettre leurs prières à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien les aider à se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils les prenaient comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne les ont pas adorés en croyant que c'était ces idoles ou ces créatures qui avaient créé quoi que ce soit dans l'univers, ou qui donnaient la subsistance, ou qui contrôlaient quelque chose dans l'univers. Mais ils ont dit ce sont des intermédiaires et des intercesseurs entre nous et Allah. Ce sont des intermédiaires et des intercesseurs. En arabe, on dit shufa'a, intercesseur. Et intermédiaire, en arabe, c'est wusata. Hein, ça, c'est le pluriel. Donc, ça, c'est leur argument et c'est ça leur explication pourquoi ils adorent ces créatures-là, pourquoi ils les prennent hein, comme objet d'adoration. Le cheikh, il dit هم يقولون وسطاء يتوسطون لنا عند الله الله أغلق بابه عن الدعاء وأغلق بابه عن عباده حتى يحتاج إلى وسطاء. Donc le cheikh, il leur pose une question. Il leur dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fermé sa porte à l'invocation? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fermé sa porte à ses serviteurs pour qu'ils aient besoin d'un intercesseur? Hein? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fermé la porte à ses serviteurs? Ils ont besoin de quelqu'un pour passer, pour aller à lui. Hein? Ils ont besoin de passer par quelqu'un pour aller vers lui. Le shaykh, il dit, Allahu qad fataha babahu lissa'ilin. ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه يجيب المضطر ويعطي السائل وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هذا يحتاج إلى أنك تأخذ بينك وبينه واسطة أو أنك تمد يديك إليه ويعني تمد يديك إليه سبحانه وتعالى بقلب حاضر وتطلب منه ما تشاء تطلب منه الدنيا والآخرة لأنه غني كريم سبحانه وتعالى ما هو بحاجة إلى أن تجعل بينك وبينه واسطة. Donc le cheikh, il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert sa porte à tous ceux qui désirent lui demander. Il a ouvert sa porte et il répond à ceux qui lui demandent et aux gens qui sont dans la détresse lorsqu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond. Et il donne à celui qui demande également et qui l'invoque. Et Allah subhanahu wa ta'ala également, comme c'est mentionné dans le hadith authentique rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit. Et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire se repentir pour que j'accepte sa repentance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire me demander pardon pour que je lui pardonne? Alors, est-ce que ça nécessite qu'il y ait entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala un intercesseur ou un intermédiaire? Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande directement de lui demander à lui. Est-ce que ça nécessite de prendre un intercesseur ou un intermédiaire? Hein? Ou bien, plutôt, ça nécessite en réalité, comme le cheikh il le dit, que tu lèves tes mains vers le ciel, vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur présent et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu désires, que tu lui demandes des choses de la dunya ou que tu lui demandes des choses de l'au-delà, de al-akhirah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est ghaniyun karim, Allah subhanahu wa ta'ala est riche et il est généreux subhanahu wa ta'ala, et il n'y a aucun besoin, aucune nécessité de prendre quiconque ou quoi que ce soit comme intermédiaire ou intercesseur entre toi et lui. Tu t'adresses à lui directement et il te répond. Hein? Il n'y a rien dans l'adoration entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intercesseur. Le cheikh il dit ensuite, « هذا ملوك الدنيا فهم قاسوا الله على ملوك الدنيا. » ملوك الدنيا ما توصل إليهم إلا بواسطة وبشفعاء أما الله سبحانه وتعالى فإنه سميع مجيب قريب لمن دعاه ليلا ونهارا بابه مفتوح يسمع ويرى سبحانه وتعالى فليس بحاجة أن تجعل بينك وبينه شفيع ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'ils ont pris comme exemple en disant qu'ils devaient prendre des intermédiaires entre eux et Allah et que c'était pour cette raison-là qu'ils adoraient ces créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ils l'ont fait parce qu'ils ont pris l'exemple sur les rois et sur les gouvernements dans cette dunya. Ils ont fait un genre d'analogie et de comparaison entre les rois et les présidents et les gouvernements dans cette vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont comparé les rois de la dunya et ils ont dit, puisque pour arriver au roi, ou puisque pour, lorsqu'on veut s'adresser à un président ou à un chef, il faut passer par des intermédiaires. Donc, ça doit être la même chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut se rapprocher d'Allah et atteindre Allah subhanahu wa ta'ala par nos invocations et nos du'as, eh bien, ça doit nécessiter de notre part quelque chose de semblable que lorsqu'on veut s'adresser à un roi ou à un président. Et donc, ils ont imaginé et inventé ce genre de système d'intercesseur et d'intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que le shirk est rentré parmi les hommes. C'est ainsi que le shirk s'est infiltré parmi les hommes, avec cette fausse idée, cette fausse analogie. Ce qiyas qui est complètement faux et rejeté, puisque tu ne peux pas comparer une créature faible et ignorante à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant et l'Omniscient, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît chacune de ces créatures et qui connaît ce de quoi elle a besoin dans les détails, et qui nous connaît chacun d'entre nous mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir nous présenter à lui ou nous faire connaître devant lui, puisqu'il nous connaît mieux que quiconque. Même les fourmis qui sont dans la terre, il les connaît une par une. Et il sait chacune d'elles qu'est-ce qu'elle a de besoin. Alors comment quelqu'un pourrait même essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en prenant un intermédiaire entre lui et Allah? Donc ça, c'est de faire une analogie qui est totalement fausse. Puisqu'un roi ou un président ou le chef d'une compagnie ou peu importe, il ne te connaît pas. Il a besoin de quelqu'un qui va t'introduire, te présenter. Et non seulement ça, les gens qui sont proches de ce président, proches de ce roi, eh bien, ils ont parfois des faveurs auprès de ce roi ou de ce président. Et parfois, ils n'ont presque pas le choix d'accepter, d'intercéder parfois pour certaines personnes, puisqu'ils ont ces faveurs-là sur leurs épaules. Alors, ils sont presque obligés parfois d'intercéder, malgré qu'ils n'ont pas envie de le faire parfois. Mais ils le font parce qu'ils se sentent forcés de le faire. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le forcer. Et il n'a pas de personne n'a de faveur sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne par sa grâce à qui il veut. Et personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne se sent jamais contraint de faire quoi que ce soit envers quiconque. S'il fait, c'est parce que lui veut le faire. Donc ça fait partie des exemples qui distinguent entre le Créateur et la créature et qui font que ce genre d'analogie-là ne peut pas être accepté lorsqu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son adoration. Donc ça c'est un exemple, et ça c'est la réponse à ces exemples-là. Ça fait partie des exemples, sinon, dans ce sujet-là, les ulama ont donné plein d'explications et de réfutations de cette analogie, hein, pour montrer qu'elle est fausse. En ce qui concerne, ensuite, qu'est-ce que le cheikh il dit? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est audient, il entend tout, et il exauce les invocations de ceux qui lui demandent, et il est proche de sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne même qu'il est plus proche de l'un d'entre nous que sa veine jugulaire, par sa science, par sa connaissance, par son ouïe, par sa vue. Donc il n'a pas besoin d'intermédiaire et d'intercesseur. Hein? Huwa qarib, mujib. Il répond à ceux qui l'invoquent jour et nuit. Sa porte est constamment ouverte. Il entend et il voit. Il n'a pas besoin qu'il y ait entre toi et lui d'intermédiaire ou d'intercesseur. Contrairement à la religion des mouchriquines, à la religion des juifs, à la religion des chrétiens, à la religion des hindous, à la religion des bouddhistes, hein, et aux autres religions, des gens qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui prennent des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est ça le tawhid. C'est ça le monothéisme. Que tu adores Allah seul et lui seul et directement, sans passer par quelque chose ou quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui distingue l'islam de toutes les autres religions. C'est-à-dire que toutes les autres religions, toutes les autres fausses religions qui ont été inventées par les hommes, ils exigent aux hommes qu'ils passent par la créature pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'islam nous dit que non, on ne passe pas par la créature pour aller au créateur. On passe directement au créateur, sans intermédiaire, sans intercesseur. Et ça, c'est quelque chose qui distingue l'islam de toutes les fausses religions qui existent sur la terre actuellement. Et donc, le cheikh, il mentionne comme exemple, pour réfuter les mouchriquins, des versets qui sont dans le Coran et qui sont très clairs à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, dans le verset, dans Surat Yunus, le verset 18, ce verset-là, il faut le connaître. C'est très important comme argument pour réfuter les mouchriquins. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là, ces idoles, ces statues, ces prophètes, ces anges, ces saints, ces images, ces étoiles, le soleil et la lune, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Hein? Donc ça c'est l'exemple de Shubha, qu'est-ce qu'il ramenait à l'époque. Et à la suite de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire, est-ce que vous allez informer Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui n'existe même pas, ni dans les cieux et sur la terre, qu'il soit purifié et exalté de ce qu'il lui associe, et du shirk qu'ils font. Donc, hein, ça c'était leur excuse et leur argument, et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne, et il dit que ça c'est du shirk. Hein. Donc, ils prennent ces créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaires et ils disent ils vont intercéder pour nous auprès d'Allah. Et ils mentionnent un autre verset dans Surat Az-Zumar dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et ceux qui prennent des alliés en dehors de lui parmi les différentes formes de choses qui sont adorées en dehors d'Allah et que ces gens-là prennent comme intermédiaires entre eux et Allah comme les images, les statues, les prophètes et les anges, les saints et les tombes, hein, et les autres choses également qu'ils prennent comme intermédiaires et intercesseurs entre eux et Allah, ceux qui prennent ces choses-là comme intermédiaires et comme alliés, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. On les adore pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah seulement. Donc, c'est-à-dire, on ne dit pas que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre, on ne dit pas qu'ils ont une part de contrôle de l'une, du contrôle de l'univers, on dit seulement qu'on passe par eux pour nous rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça leur shubha. C'est comme ça qu'ils essaient de justifier le shirk qu'ils font. Et ils disent, on n'est pas des, hein, ils disent, on n'est pas des polythéistes, on n'adore pas différentes divinités, alors qu'ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala de façon indirecte. Hein? Donc ça revient au même. Et c'est ça le shirk que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc le shaykh il dit, طيب, لماذا لا تتقرب أنت إلى الله؟ لماذا لا تتقرب أنت إلى الله زلفى؟ هل الله بعيد عنك؟ لا يسمعك ولا يراك؟ هل الله بخيل؟ ما يعطيك إذا طلبت منه؟ لماذا يقربونك إلى الله؟ الله أغلق بابه عنك؟ فهذا من شبهات الشيطان التي يلقيها في قلوب هؤلاء. وإذا تمكنت الشبهة من القلب صعب اقتلاعها. Donc le cheikh il dit, d'accord, vous dites que vous les prenez et que vous les adorez pour qu'ils vous rapprochent un peu plus d'Allah. Le cheikh il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi vous ne vous rapprochez pas plus d'Allah par vous-même? C'est-à-dire il s'adresse aux mushrikoun, aux idolâtres et à ceux qui adorent donc Allah et qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah. Ils disent, on les prend eux comme des intermédiaires, pourquoi? Parce que nous on est pécheurs, on est faibles, hein? On est loin d'Allah, et eux sont proches parce qu'ils sont pieux, ce sont des grands adorateurs, hein? Des grands savants, des hommes qui ont fait des grandes choses, et donc eux, étant donné qu'ils sont plus proches d'Allah que nous, donc ils vont transmettre nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va les accepter d'eux, mais il ne va pas accepter de nous, parce que nous on est des pécheurs ou des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit, d'accord, dans ce cas-là pourquoi toi tu ne fais pas l'effort pour te rapprocher d'Allah comme eux ont fait l'effort pour essayer de se rapprocher d'Allah, hein? Est-ce que ce n'est pas possible pour toi de te rapprocher plus d'Allah? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est loin de toi, il ne t'entend pas, il ne te voit pas? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avare, il ne va pas te donner lorsque tu lui demandes? Est-ce que, yani, est-ce que tu penses que Allah subhanahu wa ta'ala va te refuser lorsque tu lui demandes? Pourquoi tu ne te rapproches pas par toi-même d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fermé sa porte? Il t'a fermé sa porte? Donc le cheikh il dit ça, ça fait partie des ambiguïtés et des doutes que les shayatins, le shaytan, ils jettent dans le cœur de ces gens-là. Ça, ça fait partie de leurs doutes et de leurs ambiguïtés qu'ils jettent dans le cœur des hommes pour les pousser dans le shirk et pour les faire tomber dans l'idolâtrie et dans l'association. Et c'est ça qu'ils utilisent comme argument lorsqu'ils parlent aux gens qui sont faibles ou qui ont peu de science ou peu de foi ou peu de compréhension pour les induire en erreur et les faire tomber dans l'idolâtrie. Hein? Et lorsque la shubha, ce genre d'arguments, de faux arguments, rentre dans le cœur d'un homme, c'est très difficile de le retirer par la suite, une fois que le shirk est rentré de cette façon. وفي زماننا هذا مثل عباد القبور اليوم مثل مشرك الجاهلية سواء بسواء إلا أن مشرك الجاهلية أحذق وأذكى منهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فأبوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد فهم علموا معنى لا إله إلا الله وأن معناه أن تترك عبادة غير الله وأن يفرض الله بالعبادة وهم لا يريدون ذلك لا يريدون أن يفردوا الله بالعبادة بل يريدون أن يعبدوا معه غيره ممن يزعمون أنهم شفعاء وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى أما عباد القبور اليوم ففيهم غباوة يقولون لا إله إلا الله المشركون أبوا أن يقولوا لا أن يقولوها لأن لا يتناقضوا. Donc le cheikh il dit à notre époque il y a des adorateurs des tombes en bas de l'qubur, des adorateurs de tombes parmi les gens qui se disent musulmans, parmi les gens qui prétendent appartenir à cette umma, il y a des gens qui adorent les tombeaux, qui adorent les tombes, qui adorent les saints, qui adorent les hommes pieux qui sont enterrés et morts depuis des siècles, et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font exactement la même chose que ce que faisaient les mushrikines de la jahiliya, hein, avant l'islam. C'est exactement la même chose qu'est-ce qu'ils font. Sauf qu'au lieu de le faire avec Al-Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat, Wa-Hubal et d'autres parmi les idoles que les mushrikines adoraient, ils le font avec les tombes des hommes qu'ils considèrent comme étant des hommes pieux. Hein? Comme la tombe de Al-Badawi, et la tombe de Ali, radiallahu anhu, et la tombe de Hussein, radiallahu anhu, et la tombe même parfois de certains prophètes, et la tombe de certains hommes pieux comme Abdul Qadir al-Jilani, hein, et d'autres également. Et ils vont faire des pèlerinages, au lieu de le faire à la Mecque, ils vont le faire à ces tombes. Et ils vont les adorer en dehors d'Allah. Dans certains pays musulmans, il y a des gens qui vont par millions, pas par milliers, par millions, faire les pèlerinages vers ces tombeaux, les invoquer en dehors d'Allah, égorger des animaux pour eux, hein, et les invoquer, et faire le tawaf autour de leur tombe, et leur offrir des actes d'adoration. Hein? Donc c'est exactement la même chose, c'est juste la forme, hein, qui a changé. Ils font plus ça avec des idoles et des statues. Mais si tu enlèves la tombe et tu mets une statue ou une idole à la même place, là les gens vont dire, ah mais ça c'est du shirk. T'enlèves la statue, tu remets la tombe, non ça c'est plus du shirk maintenant. Alors que c'est exactement la même chose, qu'est-ce que tu fais? Allahul Musta'an. Donc le shaykh il dit, c'est pour ça qu'il dit que les mushriks de la jahiliya, les mushrikins de la jahiliya, ils étaient plus intelligents que ceux d'aujourd'hui qui adorent les tombes. Et le cheikh, il explique pourquoi ils étaient plus intelligents. Il dit parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu voir les mushrikines à Mecca, les mushrikines de Quraysh, et qu'il leur a dit, dites la ilaha illallah, c'est-à-dire dites, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur dit ça en arabe. Hein? La ilaha illallah. Eux, ils répondent quoi, les mushrikins? Ils répondent comme Allah subhanahu wa ta'ala les cite dans le Coran. Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? Au lieu d'adorer 10, 15, 20, on va adorer un seul et on va abandonner tous les autres? Ça, c'est une chose étonnante. Hein? Et ils ont refusé donc de dire la ilaha illallah. Ils ont compris qu'est-ce que ça implique. Et ils ont refusé. Et ils ont dit, hein, ceux d'entre eux, les notables d'entre eux, ils ont dit, allez, marchez et restez endurants dans l'adoration de vos divinités. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire. C'est quelque chose qui est voulu. C'est-à-dire, n'abandonnez pas l'idolâtrie, n'abandonnez pas le shirk, restez sur le shirk, restez fidèles à vos idoles. Hein? C'est ça qu'ils ont répondu après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ait dit, dis la ilaha illallah. Donc, ça veut dire qu'ils ont compris et qu'ils ont su ce que signifie la ilaha illallah et que ça signifie d'abandonner l'adoration de toute autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Toute autre chose que Allah, tu ne l'adores pas. Toute autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, tu le rejettes. Tu ne l'adores pas. Hein? tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais en sorte que toute ton adoration soit à Allah seul. Et eux, ils ne voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas adorer Allah seul. Ils ne voulaient pas abandonner l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne voulaient pas faire d'Allah l'objet unique de leurs adorations. Ils veulent continuer à adorer d'autres que lui. Et ils pensent que ce sont des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cela les rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est exactement la même chose que ce que disent les adorateurs des tombes aujourd'hui. C'est exactement la même excuse. Ils disent on adore, on se rapproche de ces hommes morts et de ces hommes pieux. Et eux, ils nous aident à nous rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le même argument, hein? Le même faux argument. Donc le cheikh il dit, ça c'est la stupidité, l'exemple de la stupidité de ces gens-là aujourd'hui. Puisqu'ils disent « La ilaha illallah », ils disent « Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah », puis par la suite, ils s'en vont adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent « Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah », et après ils vont adorer d'autres qu'Allah. Les mushrikoun, à l'époque, ils refusaient de dire cette parole pour ne pas se contredire. Aujourd'hui, ils le disent et ils le contredisent dans leurs actions et dans leurs paroles et dans leurs croyances. Hein? Alors c'est ça la contradiction, c'est ça l'exemple de leur stupidité. Et c'est pour ça qu'on dit que les mushrikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient plus intelligents parce qu'ils refusaient de se contredire dans ce sens-là. Hein? Donc, si les gens d'aujourd'hui, parmi les gens qui adorent les tombes, étaient vraiment intelligents et qu'ils étaient vraiment logiques et conséquents, eh bien, ils refuseraient de dire la ilaha illallah jusqu'à ce qu'ils abandonnent l'adoration des tombes. Mais étant donné qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que signifie la ilaha illallah dans son sens réel, eh bien, ils continuent à le dire tout en se contredisant, en invoquant et en adorant et en prenant des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc le cheikh il dit yaquluna la ilaha illallah wa yad'una ghayrahu. Hadha tanaqud wa hum la yuriduna an yatanaqadu fa samadu 'ala ash-shirk khashyat at-tanaqud. Amma al-bulaha wal-mughaffalun في هذا الزمان فيعبدون الأموات والأضرحة ويقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو لا إله إلا الله ويذكرون الله بأنواع الذكر والليل بالليل والنهار أذكار عظيمة ويقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا نقشبندي يا فلان أغثني اعطيني وهم يقولون لا إله إلا الله هذا تناقض كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله تسبح لغير الله تنظر لغير الله هذا تناقض المشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله خشية التناقض وهؤلاء ألفوا من التناقض يقولون لا إله إلا الله بكثرة ولكن يُشْرِكُونَ بِكَثْرَةً وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Donc le cheikh il dit ces gens là ils disent la ilaha illallah, les gens de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils refusaient de dire la ilaha illallah, tandis qu'aujourd'hui ils disent la ilaha illallah et ils invoquent d'autres que lui. Ça c'est une contradiction. Et les gens les mushrikoun de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voulaient pas dire la ilaha illallah parce qu'ils ne voulaient pas se contredire. Et ils ont persisté dans leur shirk et dans leur association avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils avaient peur de se contredire. Tandis que les faibles d'esprit aujourd'hui et les inconscients à notre époque, ils adorent les morts, ils adorent les tombes, ils adorent les saints, ils adorent les hommes pieux et ils disent la ilaha illallah malgré tout. Ils répètent tout le temps, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Peut-être qu'ils vont le dire 100 fois par jour. Peut-être qu'ils vont le dire même plus que ça. Hein? La ilaha illallah. Ils font des adhkar. Et même ils prennent, comme les soufis, par exemple, ils disent hu, hu, au lieu de dire la ilaha illallah. Hein? Ça, ça fait partie de leur zikr qui est innové. Hein? Ils disent la ilaha illallah jour et nuit. Et ils invoquent Allah par toutes sortes, de rappels et d'invocations. Ils font des toutes sortes de différentes formes d'adhkar. Et ils disent en même temps, Ya Ali. Hein? Ils invoquent Ali. Ya Hussein. Ils invoquent Hussein. Ils invoquent, ils disent Ya Abdul Qadir. Hein? Ils invoquent, ils disent Ya Naqshbandi. Ya Tijani. Ya Shadili. Ya Rifa'i. Ila akhiri. Et la liste, elle est longue. Hein, et interminable. Le nom des saints et des idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils invoquent dans les moments de détresse. Et ils disent, Arifna, sauvez-nous, donne-nous. Ils invoquent le nom de ces hommes en dehors d'Allah et ils leur demandent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils disent par la suite, La ilaha illallah. Ça, c'est une contradiction. Ça, c'est une contradiction. Alors, comment quelqu'un peut dire « La ilaha illallah » après, par la suite, il va invoquer d'autres qu'Allah. Il va sacrifier des animaux pour autres qu'Allah. Il va faire des vœux pour autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de la contradiction. Et les mushrikoun avaient refusé de dire « La ilaha illallah » parce qu'ils ne voulaient pas se contredire, par crainte de la contradiction. Tandis que ceux-là, ils ont accepté la contradiction. Ils ont... Hein? Ils se sentent à l'aise dans la contradiction. Les mushrikoun d'aujourd'hui se sentent à l'aise dans la contradiction. Ils n'ont pas de conflit intérieur malgré cette interdiction-là. Hein? Malgré cette contradiction-là. Ils ne ressentent pas dans leur cœur le conflit. Hein? Et le problème, ils n'ont pas mauvaise conscience du fait qu'ils sont en train de se contredire dans leur aqidah et dans leur religion. Ça prouve leur inconscience. Hein, et leur égarement. Donc, ils disent La ilaha illallah beaucoup et souvent, mais ils font le shirk beaucoup et souvent également. Wala'iyatu billah, que Allah nous préserve. Et le shaykh, il dit ensuite Wali hada yaqul le shaykh al-islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, lamma zakara hadhihi al-mas'ala, qal La khayra fi rajulin. كفار قريش اعلم منه بمعنى لا اله الا الله. Donc c'est pour cette raison que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il disait rahimahullah, lorsqu'il parlait de ce sujet-là, il n'y a aucun bien dans un homme que les kuffars de Quraysh savaient mieux que lui la signification de la ilaha illallah. Il n'y a rien de bien dans un homme que les kuffars de Quraysh connaissaient mieux que lui la signification de la ilaha illallah. Hein? Fa kuffar Quraysh arafu ma'na la ilaha illallah wa abaw an yaltazimu wa ha'ula'i ma arafu ma'na la ilaha illallah qaluha wa lam ya'rifu ma'naha lidhalika yad'una ghayra Allah wa yasbahuna li ghayri Allah wa la yusammuna hadha bishirk yusammunahu bitawassul. توسل يقولون هذا توسل ايش التوسل قالوا ها قالوا نعم الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله الوسيله ما هي قالوا نعم الوسيله الواسطه نجعل بيننا وبين الله واسطة هذه الوسيلة فسروها بغير تفسيرها وبغير مراد الله سبحانه وتعالى منها فسروها بأنها الوسيلة بأن الوسيلة معناه الواسطة وهذا لم يقل به أحد من المفسرين أبدا. Donc le cheikh il explique ensuite. Il dit, les kuffars de Quraysh, ils ont eu la signification de la ilaha illallah, et ils ont refusé de de le respecter, de respecter ce que ça, de ce que, de respecter ce que ça implique, et de suivre ce que ça implique. Tandis que ceux-là aujourd'hui, qui font le shirk tout en disant la ilaha illallah en même temps, eh bien, ces gens-là, ils le disent, mais ils ne savent pas du tout qu'est-ce que ça signifie. Et ça, vous le trouvez dans les livres, quand vous lisez les livres écrits par les gens de Bid'a aujourd'hui, hein, qui opposent le tawhid, eh bien, et qui font partie des ennemis du tawhid, eh bien, vous voyez que, et quand ils donnent la définition du tawhid, ils donnent une définition totalement fausse. Hein, une définition qui n'implique que la notion de rububiyya dans le tawhid. Comme par exemple, ceux qui disent, hein, que quand ils traduisent la ilaha illallah, ils disent, il n'y a de créateur que Allah. Il n'y a de maître que Allah. Ou bien, il n'est de Dieu que Dieu. Ou des traductions de ce genre. Ou des explications de ce genre. Hein? La rabba illallah. Hein? Wala yaqdir ala al-ikhtira' illallah. Il croit que ça signifie que seulement Allah est capable de créer. Seulement Allah est le Tout-Puissant. Ils pensent que c'est ça la signification de la ilaha illallah. Ils excluent la al-uluhiyya. Ils excluent l'adoration de la signification du tawhid. Parce que pour eux, tu peux adorer ce que tu veux du moment que tu dis qu'il y a un Dieu unique. Tu peux adorer ce que tu veux du moment que tu dis que c'est lui seul qui a le pouvoir sur tout et que c'est lui qui contrôle tout. Pour eux, le seul shirk, c'est seulement le shirk dans Rububiyya. Hein, que tu dis il y a deux créateurs. Si tu dis il y a deux créateurs ou tu dis Dieu a un fils, ça pour eux c'est shirk. Mais le fait d'adorer d'autres que Allah, de prendre des intermédiaires entre toi et Allah, d'adorer les saints, de leur demander l'intercession, pour eux ça c'est pas du shirk. Hein? Parce qu'ils n'ont pas compris le tawhid. Et, alhamdoulillah, si vous regardez dans les livres des ulama de Ahl Sunnah qui ont parlé sur le tawhid, et qui ont expliqué le tawhid, qui ont défini le tawhid, vous allez constater que leur traduction et leur explication de la signification du tawhid et de la ilaha illallah est uniquement basée sur les textes de la religion, basée sur les textes du Coran, les preuves dans les ayats et les preuves qui sont dans la sunna, qui sont extraits des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la sunna qui est authentique. Rien d'autre que ça. C'est-à-dire que la compréhension du tawhid, elle est tirée directement des textes de l'islam, du Coran et de la sunna. Tandis que chez les gens de bid'ah, chez les gens qui appellent au shirk et qui prétendent appartenir à l'islam, eh bien, regardez dans leurs livres qui parlent de aqidah et qui parlent du tawhid, et vous allez voir que il n'y a rien d'autre dans ces livres-là que des définitions qu'ils ont inventées eux-mêmes et des débats, hein, théologiques basé sur la raison et sur leur logique à eux, ou sur la logique des Grecs, hein, et la philosophie. Mais aucune preuve claire et directe des textes de la religion et de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui fait la force de cette da'wa salafia, puisqu'elle ramène les gens aux preuves, et aux éléments, et aux sources de cette religion, et aux fondements de l'islam. Et c'est ça qui fait la force de cette compréhension de l'islam. Elle n'est pas venue de l'intelligence, de la philosophie d'un homme. Elle vient directement des textes, dans leur sens clair et explicite. Et personne ne peut se détourner de ces textes-là et de ces significations-là dans le Coran et dans la Sunna, parce que ce sont des textes qui sont muhkam, qui sont des muhkamat, des textes clairs et explicites qui ne peuvent être compris que d'une seule et unique façon. Et c'est de cette façon-là que tous les imams de l'islam, depuis l'époque des sahaba jusqu'à aujourd'hui, ils se sont tous mis d'accord sur le fait que ces textes-là sont compris de cette manière. Donc, les gens qui veulent appeler aujourd'hui les musulmans à dévier du tawhid et qui veulent les faire tomber dans l'adoration des morts et des saints et des tombes, hein, eh bien, tu vas voir qu'ils utilisent d'autres ruses pour y arriver. Et parmi les ruses et les shubuhat, c'est qu'ils vont appeler le shirk par un autre nom. Au lieu de dire shirk, ils vont dire par exemple tawassul. Ils refusent de dire que ce qu'ils font c'est du shirk. Bien entendu, qui accepterait de reconnaître qu'il est un mushrik? Quel mushrik accepterait de reconnaître qu'il est mushrik? Hein? Quel mubtadi' accepterait de dire qu'il est mubtadi'? Excepté celui qui est complètement inconscient ou fou. Mais sinon, en général, une personne logique, qui a sa raison, ne va pas accepter de dire à propos de sa personne qu'il est dans le shirk. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les gens qui commettent le shirk de l'enfer éternel. Hein? Et il mentionne que c'est la plus grande de toutes les injustices. Inna shirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Hein? Wa man yushrik billah. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Tous ces versets-là sont clairs sur le danger du shirk. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui sont moindres que ça à qui il veut. Et celui qui commet le shirk avec Allah, Allah lui a interdit le paradis et il sera dans l'enfer. ومأواه النار. Sa destination sera l'enfer. Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. Donc ça, c'est le danger du shirk. Alors c'est certain qu'ils ne vont pas dire, oui, nous on est des mouchriquines, on fait du shirk. Ils cherchent d'autres façons de qualifier ou d'appeler le shirk, pour que ce soit accepté par les gens. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'ils utilisent comme terme? At-tawassul. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on invoque les hommes pieux et les saints et les tombes? C'est du tawassul. Hein? Donc quand quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire tawassul, eh bien là il est troublé. Hein? Et moi-même je me rappelle, yani, subhanallah, dans les premières années de ma conversion à l'islam, eh bien je suis tombé sur un pamphlet écrit par des soufis. Hein? Et dans ce pamphlet-là, ils attaquaient ceux qui appellent au tawhid et qui interdisent le shirk et qui interdisent les innovations. Et ils disaient que ces gens-là, ils interdisent le fait de se rapprocher des hommes pieux et des saints. Et ils disaient, c'est pas interdit, ça s'appelle du tawassul. Hein? Donc, j'ai pris ce pamphlet, je l'ai mis dans une enveloppe et je l'ai envoyé à un des machères qui connaissait l'anglais, yani, pour qu'il lise ça et pour qu'il m'explique qu'est-ce que ça signifie. Et il m'a référé au livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Qa'idatu at-tawassul wal-wasila. Et dans ce livre-là, il m'a dit, prends le livre, il est en arabe, prends le livre, va à tel Cheikh et va t'asseoir avec lui et demande-lui de te traduire de telle page à telle page. Donc c'est ce que j'ai fait, alhamdoulilah, j'ai pris le livre, je suis allé voir le Cheikh en question à Montréal et je lui ai dit, Cheikh, voici, est-ce que vous pouvez me traduire de telle page à telle page? Et il m'a expliqué. Et il y avait la réfutation de tous ces choubouhats. Et c'est un des meilleurs livres pour celui qui cherche les réponses à ces gens-là. Les gens qui appellent au shirk, à l'adoration des tombes et des morts aujourd'hui. Eh bien, ça, c'est un des meilleurs livres pour réfuter ces gens-là. C'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Qa'idatun fit tawassul wal-wasila. Et alhamdulillah, à notre époque, ce livre, il a été expliqué par plusieurs d'entre les grands ulamas de notre époque. Cheikh Al-Fawzan, il a un sharh de ce livre. Et il y a également d'autres mashaykhs qui l'ont expliqué dans les durus pour simplifier et clarifier la signification et le rendre plus facile. Qa'idatun fit tawassul wal wasila. Qa'idatun fit tawassul wal wasila. Donc ça, c'est un livre. Inch'Allah, si un jour Allah nous permet qu'on ait la possibilité de lire, de faire des cours avec ce livre, Inch'Allah, eh bien dans l'avenir, ce serait quelque chose de très très bénéfique. Inch'Allah, on espère que ce soit possible, Inch'Allah. Sinon, pour comprendre d'où est-ce que ça vient, ce terme de tawassul, qu'est-ce que c'est le tawassul, il mentionne comme référence par rapport à ça deux versets. Le premier verset, c'est le verset 35 dans Surat Al-Ma'idah. Et le deuxième verset, c'est le verset 57 dans Surat Al-Isra, dans lequel il y a la mention du terme wasila. Al-wasila. Et c'est de là que vient le terme tawassul. Le premier verset dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et chercher un wasila vers lui. Et chercher un wasila vers lui. Si on traduit le terme wasila, ça veut dire un moyen. Chercher un moyen pour aller vers lui. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et lutter dans son sentier pour que vous puissiez avoir le succès. Et le deuxième verset, c'est un verset qui dit أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ. C'est-à-dire ceux que ces gens-là invoquent, c'est-à-dire ceux que les mouchrikoun invoquent, parmi les hommes pieux, parmi les prophètes, parmi les anges, eh bien, eux-mêmes, ils sont en train de chercher un moyen de se rapprocher, hein, d'invoquer et de se rapprocher vers leur, à leur Seigneur. C'est-à-dire que les mouchrikoun sont en train d'adorer des créatures qui, elles-mêmes, sont en train d'essayer de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par différents moyens. Hein? Comme par exemple les chrétiens qui invoquent Isa ibn Maryam. Hein? Eh bien, ils sont en train d'invoquer un prophète d'Allah qui lui-même cherche un moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, eux, ils ont traduit ou interprété le terme wasila dans ces versets-là comme signifiant un intermédiaire. Ils ont dit chercher un wasila pour aller vers Allah, un moyen pour aller vers Allah. Ils l'ont traduit en disant que c'est un intermédiaire, un intercesseur. Hein? Donc tu vas à la tombe d'un saint ou d'un homme pieux pour l'adorer, pour te rapprocher d'Allah. Et c'est ça le wasila pour eux, c'est ça le tawassul. Hein? Donc, qu'est-ce que le cheikh va faire dans la suite de qu'est-ce qu'on va expliquer? C'est, premièrement, démontrer la signification réelle du terme wasila qui est employé dans ces versets. Qu'est-ce que ça signifie dans les livres des Mufassirin? Parce qu'il dit que la signification du terme wasila, ça ne veut pas dire de prendre un intermédiaire ou un intercesseur entre soi-même et Allah. Al-wasila, c'est pas ça du tout que ça signifie. Qu'est-ce que signifie al-wasila pour ces gens-là? C'est de prendre un intermédiaire entre nous et Allah, mais aucun des savants de tafsir n'a jamais dit ça. Aucun des savants de tafsir n'a jamais dit ça. Hein? Donc, le cheikh il dit, donc il va expliquer la signification de wasila selon les ulama de tafsir, puis ensuite il va expliquer qu'il y a deux catégories de tawassul. Il y a une catégorie de tawassul qui est acceptée, qui est correcte, qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et il y en a une autre catégorie qui est interdite et qui est contraire au Coran et contraire à la Sunna. Donc le cheikh il dit الوسيلة عند المفسرين هي ما يقرب إلى الله والذي يقرب إلى الله ما هو التوحيد والعمل الصالح هذا الذي يقرب إلى الله تعالى هذه الوسيلة الصحيحة عبادة الله وحده لا شريك له هي الوسيلة والتوسل إلى الشيء هو ما يوصل إليه والحبل يسمى وسيلة لأنه يستنبط به الماء من البئر إلى البئر فهو الوسيلة فالوسيلة ما يقرب إلى الله جل وعلا الذي يقرب إلى الله الشرك أو التوحيد الذي يقرب إلى الله جل وعلا هو التوحيد وعبادته لا شريك له فمعنى ابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بالعبادة تقربوا إليه بالعبادة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي التقرب إليه سبحانه وتعالى بالعبادة هذا معنى الوسيلة وليس معنى الوسيلة ما فسره به القبوريون أنه جعل الواسطة بينك وبين الله. Donc le cheikh il dit que pour les savants de tafsir, le terme wasila c'est tout ce qui rapproche à Allah. Et qu'est-ce qui te rapproche à Allah? Ce qui te rapproche à Allah c'est le tawhid, le fait d'adorer Allah seul et de faire des bonnes œuvres. Voilà ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le wasila, c'est ça le vrai wasila, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul, sans associé, sans partenaire. C'est ça le wasila, et c'est ça le tawassul. Le tawassul, c'est toute chose qui te ramène ou qui te rapproche à quelque chose. Et on appelle la corde qu'on utilise pour tirer l'eau dans un puits wasila, parce que c'est quelque chose qui t'aide à extraire l'eau de ce puits. Hein? Et donc, on l'appelle wasila. Et dans la religion, c'est la même chose. Toute chose qui te rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui te rapproche à Allah? Le shirk ou le tawhid? C'est le tawhid. Hein? Donc, qu'est-ce qui te rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est l'adoration d'Allah. C'est le tawhid d'Allah. Et que tu l'adores sans rien associer avec lui et sans lui donner de partenaire. Et c'est ça la signification du verset « Ibtaru ilayhi al-wasila » « Cherchez hein, un moyen vers lui, un wasila vers lui. » C'est-à-dire, cherche à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par son adoration. C'est ça la signification du mot « al-wasila » dans ce verset. Et ce n'est pas la signification qu'ont donné les gens qui adorent les tombes aujourd'hui. Hein, « Al-quburiyoun » Hein, qui ont dit que Al-Wasila c'est de prendre un intermédiaire et un intercesseur entre Allah et sa créature. Ça c'est totalement faux et il n'y a pas de ulama de tafsir qui ont interprété le terme Wasila de cette façon. Donc ça c'est très important et ça clarifie déjà en grande partie cette shubha. Ça nous aide à comprendre parce qu'il se base sur ce terme Wasila. Une fois qu'on a compris qu'est-ce que ça signifie, et que c'est l'adoration et le tawhid, et toutes les bonnes œuvres, et la foi, et ainsi de suite, eh bien on sait déjà en partant que qu'est-ce qu'il donne comme interprétation au terme wasila, elle est fausse. Donc le cheikh il a dit que al-wasila c'est l'adoration. Et vous savez l'adoration, quelle est la définition de l'adoration hein, que cheikh l'islam Ibn Taymiyyah a donnée. Quand il a défini Al-Ibada, il a dit, c'est toute chose, c'est une parole générale qui englobe toutes les paroles et les actions que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Que ce soit des actions ou des paroles intérieures ou extérieures. Ça c'est la définition que Cheikh l'Islam a donnée de Al-Ibada. Il a dit, c'est une parole général qui englobe tout ce que Allah aime parmi les paroles et les actions, qu'elles soient intérieures ou extérieures. D'accord? Donc c'est ça la définition générale de al-ibada. Et pour connaître que quelque chose est une adoration ou une ibada, il faut savoir qu'elle est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala et ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou dans la Sunna authentique. Donc tout ce qui est ordonné ou recommandé dans le Coran, dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des adorations. Et donc ça veut dire que al-wasila, pour se rapprocher d'Allah, c'est ça, c'est d'établir cette chose-là, cette adoration-là. Hein? Donc ça c'est important. Et aussi un petit point avant de terminer, à propos de al-wasita, à propos de al-wasita, c'est une clarification qui a été faite par Cheikh Al-Fawzan et par Cheikh Ibn Taymiyyah avant lui, mais Cheikh Al-Fawzan il a expliqué cette parole de Cheikh Al-Islam dans plusieurs de ses livres. Il a expliqué que quand on parle d'intermédiaire entre le Créateur et la créature, il faut comprendre qu'il y en a deux, il y en a deux sortes. Une qui est fausse et une qui est vraie. L'intermédiaire entre l'homme, entre la créature et le créateur qui est vrai, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à la créature. C'est-à-dire, lorsque Allah, le créateur, s'adresse à ses créatures, il emploie des intermédiaires pour transmettre son message et sa révélation, les anges et les messagers. Ça, c'est l'intermédiaire qui est correct et qui est accepté. Hein? Les anges, les prophètes et yani les livres qu'il a révélés. Ça, c'est des intermédiaires entre le Créateur et sa créature. C'est dans ce sens-là, c'est correct. Mais dans l'autre sens, les intermédiaires de la créature au Créateur pour se rapprocher du Créateur, Ça, c'est l'intermédiaire qui est fausse et qui est rejetée. Puisque pour se rapprocher d'Allah, il n'y a aucun intermédiaire, aucun intercesseur. On s'adresse à Allah et on passe à Allah directement. Hein? Et parfois, aujourd'hui, des fois, vous avez des gens qui jouent sur cette ambiguïté-là pour mélanger certaines choses dans la religion, puis pour égarer les gens. Donc, par exemple, vous avez certaines catégories de musulmans qui se disent musulmans laïcs. Hein? Et ces gens-là, lorsque tu leur parles, par exemple, des règles de l'islam et de l'obligation d'établir la religion d'Allah et d'ordonner le bien et d'interdire le mal et d'autres choses de ce genre, ils disent non, c'est pas à personne. Personne n'a le droit d'imposer ou d'ordonner à un autre de faire quoi que ce soit dans la religion. Chacun, il est libre. Hein? Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et il mélange deux notions. L'intermédiaire, comme on l'a dit, de Allah vers sa créature dans la transmission de la connaissance et dans l'application de le fait d'imposer sa charia et d'établir les règles et les lois. Et l'intermédiaire dans l'autre sens, lorsque l'homme il s'adresse à Allah. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais eux, ils pensent qu'il y a pas, ils veulent essayer de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'intermédiaire dans les deux sens. Hein? Dans l'adoration, ça, on est d'accord avec eux, il n'y a pas d'intermédiaire dans l'adoration entre nous et Allah. Mais dans l'application et dans la transmission de la révélation et du message d'Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes, il y a des intermédiaires. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre le Coran et transmettre la Sunna. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le Coran et la Sunna aux Sahaba. Et eux, ils ont appliqué cette charia après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont transmise aux tabi'in, aux élèves des Sahaba. Et les tabi'in, après, l'ont transmis aux tabi'in. Et la religion s'est transmise avec la chaîne de transmission de cette manière depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et imposé aux responsables des musulmans et aux ulama et aux dirigeants d'implémenter et d'appliquer sa loi et sa révélation sur les hommes et sur la terre. Donc il n'y a pas de place dans l'islam pour la laïcité. Puisque dans le Coran et dans la Sunna, il y a toutes les lois qui régissent la vie des croyants. Les règles sur la question de la politique, et comment choisir les dirigeants et comment établir les principes de la religion. Comment établir et exécuter les peines et les règles. Les règles qui ont rapport avec le mariage, ça fait partie de la charia. Les règles du divorce, ça fait partie de la charia. Les règles de l'héritage, ça fait partie de la charia. Les règles de l'enterrement, quand quelqu'un meurt, ça fait partie de la charia. Les règles de, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, ça aussi c'est géré par la charia. Hein? Et ainsi de suite, toutes les autres règles, ces choses-là font partie du Coran et de la Sunna, et c'est une obligation pour les croyants de l'accepter et d'y croire dans son cœur. Hein? Et de savoir que ça c'est la vérité et que c'est supérieur à toute autre loi, tout autre système, toute autre pensée humaine. Hein? Donc, ça c'est juste un point que je voulais faire en passant pour justement clarifier cette choubha de la part de ces soi-disant musulmans qui se disent laïcs aujourd'hui, puisque un musulman, s'il se dit laïc, il se contredit totalement, puisqu'il est obligé de rejeter la charia d'Allah pour être laïque. Et celui qui rejette la charia d'Allah, eh bien, il a rejeté l'islam. Hein? Et juste en m'en venant justement de Paris, non, j'étais à Marseille. Marseille à Saint-Étienne, j'étais en train de lire et d'écouter en même temps le charh de Cheikh Al-Fawzan, du livre qui s'appelle Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il fait la distinction, il clarifie la distinction entre Ash-Shar' Al-Munazzal والشرع المبدل. Et il expliquait que الشرع المنزل c'est la révélation qui est la législation qui est révélée. C'est qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça change pas, c'est clair. Mais الشرع المبدل c'est quoi? C'est comme les jugements et les ijtihadat des ulama. Ça, c'est الشرع المبدل. Ça, ça peut changer parfois, selon le contexte, selon l'endroit, selon l'époque, ainsi de suite, selon les règles. Et ça, quelqu'un parmi les ulama peut faire une ijtihad, puis il a raison. Il peut faire une ijtihad, puis il se trompe. Et si tu rejettes ce qu'un savant a dit par ijtihad, parce qu'il s'est trompé, c'est pas comme si on va pas considérer que ça consiste à rejeter la charia d'Allah, puisque c'est un ijtihad. Et qu'il y a une erreur dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans plusieurs hadiths que si une personne fait un jugement, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. S'il fait un ijtihad et qu'il a une bonne réponse et qu'il a le bon jugement, il a deux récompenses. Et s'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, il a une seule récompense au lieu de deux. Donc, il y en a qui veulent mélanger entre les deux. الشرع المنزل والشرع المبدل. Et ils considèrent que la charia, quand ils parlent de la charia, ils parlent seulement de الشرع المبدل. Les jugements et les ijtihadat des ulama. Et donc, ils pensent que c'est ouvert au changement et que ça peut s'adapter, que ça peut changer selon l'époque. Alors que la charia, الشرع المنزل, la révélation d'Allah, le Coran et la Sunna, ça changera jamais, peu importe où, peu importe quand. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était juste une petite clarification aussi à ce sujet-là. On va s'arrêter ici pour maintenant. Inch'Allah, à la prochaine intervention, bi'ibnillah, on va rentrer dans les différentes catégories de tawassul, celles qui sont permises. Et celles qui sont interdites. Et le cheikh, il a mentionné différentes catégories de tawassul qui sont permises, comme le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs, celle de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par des bonnes actions qu'on fait, celle de demander, par exemple, par l'intermédiaire d'un homme pieux mais qui est vivant, qui est présent, que tu lui demandes de faire un doua pour toi, ça c'est permis. Puis il y a les catégories de tawassul qui sont interdites, c'est lorsque tu demandes à quelqu'un qui est mort, ou quelqu'un qui est absent, qui ne peut rien faire pour toi, c'est une forme de tawassul qui est shirk. Et on va expliquer ça en détail avec les exemples et les preuves et les explications après, dans la prochaine intervention, bi'ibnillah. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.